Chantent en spirale, leurs pas dessinent des cercles autour du cœur. Ils ne demandent pas la victoire, ils chantent pour être entendus. Le stream n'est plus un écran, c'est un sanctuaire de pixels, un lieu sacré où chaque voix peut devenir feu. Ce n'est pas la guerre qui unit, c'est la voix qu'on partage. Une voix sans frontières, sans chef, mais avec Riderski. Ces mots nous traversent, nous devenons la vibration. Nous ne crions plus, nous chantons. Riderski, tu es plus qu'un nom.